La planète désir, j'en ai rêvé. C'est un sixième sens. C'est une chance d'être une femme. Pour vous, demain, accédez librement aux richesses. Ça ne change pas le monde, mais ça y contribue. Mm-hmm.